franceinter.fr. Aujourd'hui, pour le 400e numéro inédit d'Affaires Sensibles, les rêves partis ou la fête à l'épreuve des lois. À la fin des années 80, la vague des fêtes de musique électronique frappe l'Europe. De ses premières notes, en Angleterre d'abord, puis ensuite en France, le phénomène des rêves partis débarque sans crier gare et il renverse tout sur son passage. Dans leur valise, les rêves réintroduisent un mode de vie, un état d'esprit qu'on avait oublié depuis les années Woodstock. Qu'en fait, rime avec liberté et se déroule hors de toute contrainte d'espace ou de temps. Sur leur platine, les DJ des sound systems, maîtres de cérémonie, distillent un son d'un genre nouveau, brutal, rythmé et aliénant, de la music house et par la suite de la techno à l'état pur. Leurs adeptes, des fêtards, qu'on surnomme aussi les rêveurs, qui sont prêts à braver les éléments pendant des jours pour communier avec la musique. Les rêves partis tracent leur route de rassemblement en rassemblement, de festival en festival. À chacun de leurs passages, elles suscitent autant d'engouement qu'elles engendrent d'inquiétude, voire d'incompréhension. Car bien malgré elles, ils planent au-dessus du mouvement le spectre de la violence, de l'incivisme et de la consommation de drogue. Des idées reçues, qui largement relayées dans la presse, vont être à l'origine d'une sévère campagne de répression par les responsables politiques, au point que, progressivement muselés, les rêves partis vont être concurrencés par un autre type de fête, encore plus libertaire, les free parties. Alors, quelle est l'origine de ces fêtes? Comment sont-elles arrivées en France? Quelles sont les véritables motivations de leurs organisateurs? Pourquoi le mouvement a-t-il joué les équilibristes entre légalité et illégalité? Et enfin, comment les pouvoirs publics ont-ils réagi face à ce mouvement? Après le récit, nous recevrons Guillaume Kosmicki, musicologue, enseignant conférencier, spécialiste du phénomène techno à travers les rêves et les free parties. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet, dont Free Party, une histoire, virgule, des histoires, paru en 2010 aux éditions Le Mot et le Reste. Avec nous également par téléphone à Brest, Vincent Tanguy, porte-parole des Sound System Bretons. Il organise des free parties et il est d'ailleurs membre du collectif C'est ainsi. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec l'aide de Colin Board, avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, réalisation et illustration sonore Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Florent Layeni. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Londres, nous sommes au mois de juillet 1988. En ce début d'été, flotte au-dessus de la capitale britannique une étrange rumeur. On raconte qu'à la tombée de la nuit, plusieurs centaines de personnes se rassemblent dans des endroits tenus secrets pour participer à de grandes fêtes gratuites et clandestines sur fond de musique électronique. Des événements qui, paraît-il, durent jusqu'au bout de la nuit. Ce phénomène, décrit par certains journalistes, c'est celui des « warehouse parties », en français « fête des entrepôts ». Une à plusieurs fois par semaine, des petits groupes investissent des lieux désaffectés ou des usines abandonnées sur les rives de la Tamise ou en périphérie de la ville. Sur place, ces éclaireurs, adeptes de la débrouille et du bricolage, transforment l'endroit pour y installer une scène de spectacle éphémère avec son et lumière. Aux 12 coups de minuit, ils ouvrent les portes pour accueillir leur public. Des personnes jeunes ou moins jeunes, ça arrive, qui viennent ici pour découvrir ou communier avec une musique d'un nouveau genre, l'acid house. Originaire des clubs de Chicago aux États-Unis, l'acid house est à cette période l'un des courants les plus appréciés de la scène techno. Elle se distingue notamment par un rythme répétitif et une mélodie aux accents psychédéliques. Délivrée à très forte puissance, via des caissons d'enceinte de plusieurs milliers de watts, elle transperce les chairs et fait vibrer les tympans. Comme chef d'orchestre de cet ensemble assourdissant, on retrouve les DJ et autres musiciens électroniques. Installés le plus souvent en haut d'une estrade ou postés sur le toit d'un camion, ils mixent les disques, jouent des accords sur leur synthétiseur, arrangent les enregistrements sur leur séquenceur et poussent la sono à fond. En contrebas, le cerveau parfois embrumé par des substances chimiques, ignorant le froid, la chaleur ou encore la fatigue, le public est en transe et il en redemande. Tête dans les étoiles et les pieds dans la boue, loin du confort et des boules à facettes des boîtes de nuit, la jeunesse anglaise trouve ici un nouvel Eldorado. Mais que les choses soient claires, Dans l'esprit des organisateurs, les warehouse parties sont bien plus que de simples concerts musicaux en plein air. Derrière ces rassemblements clandestins, et donc illégaux, se cachent en réalité nos revendications pour davantage de liberté. D'ailleurs, lorsqu'on interroge les sound systems, ces collectifs ou groupes informels d'artistes, DJ et de techniciens qui organisent les fêtes, ils affichent clairement leur volonté de résister, voire d'échapper à un mode de vie où la norme du travail, de la propriété et des valeurs mercantiles écrase tout le reste. Bref, une remise en question totale. C'est la naissance du mouvement rêve. Pour Sébastien, un jeune rêveur qui deviendra par la suite membre de l'un des plus importants sound systems à Acid House de l'époque, les Spirals Tribe, le succès de ce genre de fête s'explique en partie par le contexte très répressif de l'époque partout en Grande-Bretagne. Il faut bien comprendre qu'en 88, la Grande-Bretagne a pété un câble. Tous les gens de notre génération consommaient des drogues, participaient à des fêtes. Il y avait un drôle de parfum dans l'air avec cette nouvelle musique, ces nouvelles drogues. Des milliers de gens se réunissaient. On peut dire que j'en ai bien profité. Pour moi, c'était un mode de vie, un total changement de pensée. Ça m'a tellement frappé que j'ai jamais décroché. Face à cet ennui profond qui plombe l'Angleterre des années 80, les warehouse parties, que certains médias britanniques renomment désormais acid party, font figure d'alternative. On parle même aussi de rave party, du verbe anglais to rave qui signifie délirer, s'extasier. Paradoxe de la situation, la mère involontaire de tout ce mouvement rave, c'est Margaret Thatcher, qui pourtant n'a pas le profil d'une jeune fille libertaire ni d'esprit très ouvert, mais sa politique, que beaucoup jugent trop stricte, sur l'encadrement de la jeunesse et à l'égard du monde culturel, produit avec ses rêves une réponse musicale et générationnelle. Il se trouve que partout sur le territoire britannique, le gouvernement conservateur ordonne la fermeture des bars, des clubs et autres boîtes de nuit à 2h du matin, bien trop tôt pour les amateurs de musique techno, qui aimeraient pouvoir danser, eux, toute la nuit sur les mix de leurs DJs préférés. Sans compter les pressions policières et les fermetures administratives de certains lieux de rassemblement. Non, pour beaucoup, c'en est trop. Il faut trouver de nouveaux espaces de liberté pour continuer à faire la fête. C'est dans ce contexte que se développent les premières rave parties, des fêtes illégales, mais ô combien attrayantes, car illégales. Malheureusement, des organisateurs peu scrupuleux vont progressivement faire payer de plus en plus cher les droits d'entrée. Et c'est précisément à ce moment que vont venir se greffer sur les rêves un second type d'événement beaucoup plus libertaire et radical, les free parties. Face à cette montée en puissance des fêtes illégales de musique électronique qui accueillent désormais plusieurs dizaines de milliers de personnes, les tabloïds britanniques, écrits par des gens d'une autre génération, adeptes peut-être du bon vieux rock à la papa, lancent une violente campagne de presse. Semaine après semaine, ils tirent à boulets rouges sur le mouvement sans distinction entre les rêves et les free parties. Pour eux, ces fêtes techno sont juste des repères de drogués et autant de couvertures pour écouler des produits stupéfiants. Certes, la drogue, en particulier l'ecstasy et le LSD, deux puissants psychotropes, sont assez répandus dans les fêtes techno, à l'image d'ailleurs des drogues psychédéliques à Woodstock dans les années 60. Toujours est-il que les études démontrent que seule une minorité des habitués de ces festivals sont de gros consommateurs. Ce qui fait dire à certains journalistes que le problème de la drogue n'est pas lié à la musique. Non, il s'agit davantage d'un problème de société. Malgré tout, cette violente campagne de presse crée un sulfureux amalgame dans la tête de la population. Désormais, musique techno rime avec usage de drogue. Quant au fait qu'elles soient légales ou illégales, on les considère comme des lieux de débauche. Face à l'émotion que suscite l'affaire dans l'opinion, plusieurs responsables politiques britanniques se saisissent du dossier. Ils se posent en censeurs et bénéficient ainsi d'une tribune médiatique exceptionnelle. Ainsi, en l'espace de quelques mois, on vote une série d'amendements, puis plus tard, une loi pour sanctionner les sound systems, restreindre les conditions d'organisation de leurs fêtes légales et surtout aggraver les sanctions contre leurs fêtes illégales. Un système de prohibition se met en place, les perquisitions et saisies de matériel se multiplient. La tension est telle que de nombreux collectifs décident de quitter le Royaume-Uni. Certains partent sur les routes et deviennent des nomades, comme l'explique Simon, lui aussi membre des Spiral Tribe. La plupart du temps, une heure avant la fête, Nous ne savions même pas où elle allait se dérouler. C'est une question de mobilité. We move quite quickly. Nous sommes très rapides. And I think that's a nice example with Je pense que c'est un bon exemple zone. By the time de zone d'autonomie temporaire. To stop it, Sitôt que quelqu'un essaye de l'arrêter, elle a disparu. Ainsi, au début des années 90, dans le sillage de collectifs comme les Spiral Times, l'Europe découvre le phénomène des free parties. Et avec lui, ce leitmotiv qui accompagne le mouvement « Free music, free party for free people ». Une sorte d'hymne à toutes les libertés. À la même période, contrainte et forcée par le climat délétère qui règne au Royaume-Uni, une partie des sound systems britanniques bascule dans la culture nomade. Ils traversent la Manche pour rejoindre le continent et une grande partie d'entre eux va choisir de traverser l'Hexagone. Par caravanes entières, les Anglais voyagent dans nos campagnes et abreuvent nos sillons. Derrière eux, ils font naître des vocations. De nouveaux collectifs se forment, de nouvelles influences se créent. Et dès 1993, notre pays devient la nouvelle terre d'élection des free parties. Alors, pourquoi un tel engouement pour la version la plus radicale des fêtes techno? Eh bien tout simplement parce que les soirées rêve parties plus modérées sont contraintes de se déclarer sur tout le territoire. Voilà un positionnement dans la légalité qui va à l'encontre de leur philosophie libertaire et qui les expose désormais à une série de contraintes et d'interdictions. C'est le cas par exemple à Amiens en juillet 1993 lors d'un festival géant baptisé Soirée Oz, conçu entre autres par le DJ Laurent Garnier. Il est annulé à la dernière minute. La préfecture fait en effet passer un arrêté car le festival pourrait, selon elle, créer un trouble à l'ordre public. Dans la foulée, le sound system Spiral Time répond en organisant à quelques dizaines de kilomètres de là, dans un champ près de la ville de Beauvais, un Technival. Premier événement d'une longue série de festivals illégaux de musique techno et son succès est considérable. Face à la diabolisation dont sont victimes certains rassemblements de musique électronique, le DJ Laurent Garnier monte au créneau et affirme que la musique doit pouvoir s'exprimer pour le plus grand nombre. La techno, la musique électronique, comme n'importe quelle musique, a le droit d'exister. Je pense qu'il y a de la bonne et de la mauvaise musique partout. Je vois pas pourquoi la techno devrait aujourd'hui parler à un public, je sais pas, un petit pourcentage de public, alors que le rock devrait parler à plus de gens. Je pense que la musique, on s'adresse aux émotions, on s'adresse au cœur des gens. Donc que ce soit n'importe quel style, je vois pas pourquoi ça ferait partie d'une élite. Il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un vrai dialogue social. Il faut une démocratie sociale. Nous avons un État qui veut tout réglementer, tout légiférer. Mais c'est fini, ça. Ça ne marche plus et ça ne peut pas marcher. Fort de leur apprentissage auprès des sound systems britanniques, les collectifs français adoptent en quelques années leurs méthodes et leurs usages pour organiser leurs propres rassemblements. Il y a en particulier le système de diffusion Infoline, ces messages laissés au dernier moment sur les boîtes vocales anonymes et qui permettent à des milliers de personnes de savoir où se déroulera le prochain événement. Qui plus est, malgré l'absence de toute forme de relais médiatique, la culture des fêtes techno se transmet par le bouche à oreille. On échange des CD, cassettes ou magazines spécialisés, on se donne le nom des DJ à voir sur scène. En 1995, la communauté compte déjà plus d'une soixantaine de collectifs. Certains sont nomades, d'autres choisissent de se sédentariser. C'est le cas notamment des Impact, des Technocrates, des Occupés, acronyme tout à fait inventif, des Ubiques ou encore Oxide, mais aussi d'un groupe dont nous réentendrons parler par la suite, les Hérétiques. Chacun d'entre eux, basé dans des grandes villes, organise des fêtes illégales, des free parties. Plusieurs fois dans l'année, ils se regroupent au cours de technivals rituels, formant de gigantesques campements pendant 5 ou 6 jours dans le nord ou dans le sud de la France. Sur place, le public, lui, est en osmose. C'est tout un voyage, c'est toute une implication de soi, c'est une manière de s'abandonner, de changer complètement nos notions de temps. On vient faire une expérience de soi, un dépassement de soi un petit peu. On change ses limites, quoi, on repousse les limites. C'est tout un concept, c'est toute une culture. Moi, c'est ce que je préfère, c'est ça, c'est d'être actif, d'être là, présent et ne pas subir le concert et la musique. C'est une vibration, une... une émotion, enfin quelque chose d'envoûtant, quelque chose qui emmène pendant des heures et des heures. C'est une sorte de continuité, en même temps de fluidité, passage d'un état à un autre. C'est une forme de transe, ça revient à quelque chose de tribal un petit peu, et puis ben, c'est pas mal de retourner de temps en temps à ses sources. Avec cette nouvelle génération de collectifs, le mouvement Free sort peu à peu de l'ombre et s'impose comme un genre à part entière. Fontainebleau, Millau, Tarnos, Les Andelys, les festivals se multiplient jusqu'au Technival de Port-la-Nouvelle dans l'Aude, quelques années plus tard, où ce seront cette fois un peu plus de 20 000 personnes qui se réuniront autour du collectif Spiral Tribe. Du côté des pouvoirs publics, l'arsenal législatif se durcit. Au ministère de l'Intérieur, le discours se crispe. Dès 1995, l'intitulé d'une circulaire de la Direction Générale de la Police Nationale donne le ton de la politique qui va être celle du gouvernement. Rave party, soirée au risque. Au même moment, malgré toute l'attention qu'ils accordent à l'organisation des rassemblements et à la prise en charge de leur public, les sound systems font face à une série d'accidents et à plusieurs décès liés pour la plupart à l'usage de produits stupéfiants. Largement repris dans la presse, il donne au rave party, au free party, l'image de fête en roue libre et hors de tout contrôle. Sur le terrain, la police et la gendarmerie se montrent de plus en plus dures et organisent des descentes. Comme ici, dans le cadre d'un festival dit d'art technologique qui était en réalité une free party près de l'Espar-Médoc en Gironde. En pleine nuit, 300 gendarmes investissent le site. Ils procèdent à une fouille systématique et à une vingtaine d'interpellations. À leur sortie, le lieutenant-colonel Brachet raconte au micro de France Inter ce que lui et ses hommes ont trouvé sur place. Nous avons trouvé des produits stupéfiants de toutes catégories, des drogues douces jusqu'aux cocaïne, héroïne, et en passant par amphétamine, ecstasy, enfin toute la variété est présente. Beaucoup également d'équipements pour fumer, pour consommer et autres. Et ce que nous avons récupéré n'est qu'une infime partie de ce qui a été utilisé, puisque... Avant l'intervention, nous avions infiltré des personnels. Ils nous ont relaté que ça fumait de tous les côtés, surtout qu'on a pu détecter que des dealers sont arrivés, disons une heure avant notre intervention, des dealers même organisés, semble-t-il, en petits réseaux, qui incitaient véritablement les visiteurs à acheter de la drogue de diverses natures. Confiscation matérielle, poursuite des organisateurs, l'État réprime et les rêveurs dépriment. De son côté, la police a les mains libres et s'en prend directement au sound system. Le collectif Voodooze va d'ailleurs en faire les frais. Pendant 6 mois, la jeune et bruyante organisation albigeoise est mise sur écoute, suivie et même infiltrée. Le juge d'instruction estime alors qu'il constitue un dangereux gang de dealers. Lors du coup de filet de la gendarmerie, seuls, pourtant, 25 grammes de hashish ont été trouvés. Et à l'issue de leur procès, un seul chef d'accusation est retenu contre les Voodooze, travail clandestin. Faut bien trouver quelque chose. Si l'anecdote prête à sourire, elle démontre toutefois à quel point le cliché entre le monde de la musique techno et celui de la drogue a la vie dure. En 1997, la gauche revient au gouvernement. Catherine Trottmann prend la tête du ministère de la Culture. Pour les collectifs et les organisateurs d'événements, c'est l'espoir, celui d'un changement de politique envers les musiques électroniques. Dans la foulée, on crée d'ailleurs une technoparade censée reconnaître les différentes tendances musicales du mouvement. Mais celle-ci se transforme rapidement en une démonstration massive de sponsoring. Un grand nombre d'acteurs du secteur refusent donc d'y participer et prend ses distances vis-à-vis des instances politiques. Parmi tous ceux qui réfutent l'idée de dialogue, il y a les collectifs des free parties. Eux n'entendent pas arrêter leur rassemblement. C'est le cas des Hérétiques qui préparent, dans le plus grand secret, un événement hors norme. Une fête illégale en plein air, au cœur même de la capitale. Je refuse de payer plus de 100 balles pour une teuf. Open up your head, feel the show shot. This is dangerous. I walk through my ears and watch your head rock. 16e arrondissement de Paris. Nous sommes le 14 avril 2001. En cette fin d'après-midi, le ciel est gris et le vent souffle sur le quartier de la Porte d'Auteuil. Rue Nagès et Récolli, à proximité du périphérique, plusieurs camions blancs se garent à proximité de la piscine Molitor. Une quinzaine d'hommes en habits de chantier en descendent. Ils déplacent une grille et entrent discrètement dans l'édifice. Voilà plusieurs semaines que le voisinage est témoin de ces travaux. Bon, en même temps, la situation n'a rien d'anormal, dans la mesure où ce site, classé monument historique, est fermé depuis plus de 10 ans et attend une sérieuse réhabilitation. Oui, mais qui peut se douter de ce que préparent réellement ces discrets ouvriers à l'intérieur ? Au même moment, à l'autre bout de la capitale, dans un hangar discret situé à proximité du bois de Vincennes, une vingtaine de personnes chargent plusieurs tonnes de matériel dans de petits camions de transport. Il y a là des baffles immenses, des jeux de lumière, des kilomètres de câbles, des tréteaux, des amplis, un matériel capable de diffuser un son de plus de 45 000 watts. De quoi faire une très jolie et surtout une très bruyante fête. Il est désormais un peu plus de 19h. À la préfecture de police de Paris, sur l'île de la Cité, tout est calme. Certes, il y a bien eu un peu plus tôt cet appel d'une patrouille pour signaler une vingtaine de véhicules avec des jeunes gens à bord. Ils sont stationnés dans le bois de Boulogne, à quelques centaines de mètres du site de Molitor. Des jeunes dans leur voiture ? Bon, les policiers décident de ne pas intervenir. À la piscine Molitor, les ouvriers sont toujours à pied d'œuvre dans les étages et le bassin vide. Après avoir cassé plusieurs cloisons et nettoyé le site, ils tirent des câbles électriques et les branchent à des groupes électrogènes. On installe des stroboscopes en hauteur et on monte une grande estrade. À l'extérieur, on aperçoit désormais une vingtaine de camions garés le long du bâtiment, ceux-là même qui ont chargé du matériel, un peu plus tôt dans le hangar de Vincennes. À 23h, une voiture de police arrive, boulevard d'Auteuil, à proximité du site. Prévenus par Toki Walkie, les ouvriers qui sont toujours à l'intérieur de la piscine s'arrêtent de travailler. Chacun reste immobile. Il n'y a désormais plus aucun bruit. Le véhicule passe au ralenti le long du bâtiment, s'arrête, puis repart en direction du Parc des Princes. Les Toki se remettent alors à grésiller. Chacun à l'intérieur du bâtiment se remet au travail. Et à minuit, l'un des hommes prend enfin son téléphone pour laisser un message sur une infoline. Ce soir, c'est à Molitor qu'il faut venir pour faire la fête. S'il vous plaît, même les gens qui savent où est la fête, vous venez tous au point de rendez-vous, sans quoi c'est un coup à nous planter. Donc, tout le monde au point de rendez-vous et ça passe, quoi. Ça passe bien, même. Donc, j'envoie le point de rendez-vous. Attention, top départ. Périph' extérieur, vous venez par le périph' extérieur. Vous démerdez, vous venez par le périph' extérieur. Vous sortez porte de Passy, au feu, à droite, direction hippodrome. Première à gauche en suivant le lac. Toujours tout droit, puis à l'hippodrome, vous enfoncez dans la pince, porte de Boulogne. Ok, grosse soirée, là. En l'espace d'une demi-heure, la piscine Molitor est prise d'assaut par plusieurs milliers de personnes. Et le bassin devient chaudron. Sur l'estrade, les DJ poussent leur sonneau à fond. Sur la scène, des hommes équipés de lance-flammes se livrent à un spectacle pyrotechnique hallucinant. Dans le public, la foule gronde. Il y a là des jeunes et des moins jeunes. Ils sont tous là car ils aiment la musique et ils veulent ce soir s'éclater. Certains ont même fait plusieurs centaines de kilomètres. D'autres sont encore sur la route et n'arriveront qu'au petit matin. Les ouvriers, eux, ont retiré leurs habits. Ils sont maintenant dans la foule et profitent de la fête. Pour éviter les dérapages, les organisateurs ont pris le problème au sérieux. Sur place, une équipe de médecins de la Croix-Rouge veille au grain. On accueille les personnes déshydratées et les quelques cas de malaise. Il n'y a aucun blessé à signaler. Pendant ce temps, les voisins du quartier sont à leur fenêtre. Un élu de la mairie du 16e arrondissement observe la scène à la jumelle. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe à quelques dizaines de mètres derrière les murs de la piscine. On pense d'abord à un rassemblement de supporters de football du PSG. Puis, très vite, l'information circule. Ce serait une fête sauvage et clandestine, comprenez, une free party. L'un des habitants raconte au téléphone sur France Inter. Les jeunes sont arrivés, ils ont envahi la piscine, ils ont percé deux murs. Alors j'ai téléphoné au commissariat de police de Boulogne qui m'a renvoyé sur le commissariat du 16e. J'ai téléphoné au 16e, on dit oui, c'est une rêve partie, on suit ça de près. Je dis qu'est-ce que ça veut dire on suit ça de près? C'est autorisé, alors là ils ont commencé à bafouiller, je sais pas. Et alors je dis, mais vous avez l'intention d'intervenir ou pas? Elle me dit, ben non, on n'a pas d'ordre. Je dis, comment ça, vous avez pas d'ordre? Pourquoi? Elle me dit, ben vous savez, eux, ils sont beaucoup et nous, on est peu. Derrière derrière ce grand rassemblement de moniteurs, on retrouve le collectif français Hérétique. Voilà plusieurs années que ce sound system s'est fait un nom sur la scène parisienne. Malgré les galères, comme la saisie et la destruction des disques de leurs DJs, ils continuent d'arpenter les scènes de clubs de la capitale, comme le Gibus. Adeptes de la provocation, ils organisent aussi des événements illégaux, des attentats sonores, comme ils le disent eux-mêmes, pour promouvoir la culture des free parties. Cela fait presque 2 mois qu'ils travaillaient sans interruption et dans le plus grand secret sur cette fête de moniteur. Oui, les ouvriers que l'on pouvait apercevoir sur le site étaient en réalité des membres de leur collectif, vous l'aviez compris, je pense. Après les grands rassemblements souterrains dans le quartier de Bercy, les hérétiques ont voulu cette année réaliser un coup de force, en plein air. Et quel coup ! Organiser une fête illégale dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale, au nez et à la barbe des autorités. Réunir dans un lieu art déco plusieurs milliers de fêtards sans qu'aucun incident sérieux ne soit à déplorer, le tout sous les yeux d'une caméra de télé qui est là pour montrer l'envers du décor. Le pari était risqué, mais il est réussi. Le lendemain matin, malgré une pluie fine, la foule est toujours présente en grand nombre dans la piscine Molitor. Vers 11h, le DJ Manu Malin, arrivé en pleine nuit, prend les commandes pour l'after. Dans le documentaire We Had a Dream, réalisé par Damien Raclodoliac, Raclodoliac raconte. Je jouais ce soir-là à Strasbourg. Donc je me retrouve à partir de Strasbourg vers minuit et demi, un truc comme ça. Moi, super stressé, je veux y aller, donc à fond. Et je suis arrivé ici à 8h30 du mat. Ils ont pris d'assaut un lieu en plein Paris, lieu classé, etc. Et contre toute attente, il n'y a pas eu de débordement, de casse, de vol, de violence, d'affrontement avec la police, etc. Donc le sens politique, il est là, quoi, de dire, regardez, quoi. On peut réunir, je sais plus, 4 ou 5 ou 6 000 personnes en plein Paris, dans un lieu complètement fou. Des gens que vous n'appréciez pas forcément, une culture que vous n'aimez pas forcément, même pas du tout. Et ça peut très bien se passer. Et ça c'est super politique. Pour beaucoup de teufeurs, l'épisode de la free party de la piscine Molitor s'inscrit comme un moment d'apothéose. À l'inverse, pour les autorités et le pouvoir politique, l'occupation d'un lieu classé pour y faire une fête sauvage et clandestine provoque une prise de conscience. Il faut agir et légiférer pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise. Deux semaines plus tard, à la fin du mois d'avril 2001, le ton monte dans les couloirs de l'Assemblée nationale à Paris. En commission, les échanges sont vifs entre les parlementaires. Parmi ceux qui montent au créneau, on remarque le député RPR du Vaucluse, Thierry Mariani. Son département a déjà connu plusieurs technivals illégaux et le député souhaite ajouter un amendement spécifique au free party dans le cadre de la loi de sécurité quotidienne. Officiellement, Thierry Mariani affirme vouloir contrôler ces fêtes en les obligeant à demander une autorisation préalable. Officieusement, il se dit en coulisses que le député, qu'on dit proche des entrepreneurs du monde de la nuit, des discothèques, souhaiterait restreindre le mouvement free party afin de favoriser le retour des fêtards dans les clubs traditionnels. Quoi qu'il en soit, l'affaire prend des proportions médiatiques importantes et elle s'affiche vite à la une de l'actualité. Dans les jours qui suivent, d'ailleurs, les rues de la capitale accueillent plusieurs milliers de personnes qui manifestent pour dire non à un amendement qui vise précisément à réduire les libertés individuelles. C'est la disparition d'un style musical, d'une culture et d'un phénomène sociologique quand même. Et je pense qu'il est dommage que les députés n'aient pas d'autre chose à faire, par exemple, que mettre en place une vraie législation sociale européenne, lutter contre les gens qui dorment dans la rue, enfin, qui sont des vrais problèmes sociaux, plutôt que s'occuper uniquement de la sécurité. Mais comme la droite et la gauche ont le même programme économique et social, leur seule distinction, c'est en rajouter sur le sécuritaire. Donc on y va à fond sur le sécuritaire, puis comme nous, on est accusé de consommer beaucoup de drogues, c'est facile. La bonne excuse, c'est, regardez, c'est que des drogués et des toxicos. J'ai 30 ans, je travaille, j'ai une vie comme tout citoyen, si ce n'est que j'ai pas la télévision. 25 000 jeunes, donc ils sont autogérés. Et ça, c'est un élément qui plaît pas à l'État. L'État aime bien tout contrôler de plus en plus dans le domaine privé, et non pas uniquement public, et ça se fait. Et de plus en plus, ils se dérogent aux gens. Il faut penser comme ça, il faut se comporter comme ça, et on restreint petit à petit nos libertés publiques. Tout au long du mois de mai, jusqu'à fin juin, face aux dangers qui les menacent, les Sound Systems décident pour la première fois de se fonder en collectif. Ce qui, notons-le, est assez éloigné de leurs valeurs libertaires. Mais enfin, ils acceptent de sortir de l'ombre et rencontrent les parlementaires. Les échanges sont nombreux. Et le 21 juin, jour de la fête de la musique, Lionel Jospin annonce que l'amendement Mariani retirerait du texte de loi. À la place, le Premier ministre lance un été-test, un processus qui doit permettre de juger les free parties dans leur environnement et dans des conditions réelles. Si la plupart des rassemblements se déroulent sans anicroche, certains connaissent des ratés. À la Teste de Buch, près de Bordeaux, des participants à une free party sont à l'origine d'un incendie. Bilan, un hectare de pain part en fumée. À Rouen, un participant meurt après tomber du toit d'un hangar. À Saint-Jure-en-Moselle, un autre fait un arrêt cardiaque. Quelques semaines plus tard, lors du Technival Off des Vieilles Charrues à Pôle en Bretagne, les habitants et les élus municipaux manifestent contre la venue des toffeurs. Selon eux, l'absence de toute forme d'organisation porte préjudice aux riverains. Ce n'est pas l'avis d'Émilie, une jeune fêtarde, pour qui toute cette structure autour des fêtes présente des aspects positif et négatif. Elle le dit au micro de France Inter. Ça peut être bien quand même, parce qu'au moins s'il y a des excès ou c'est pas genre t'as un problème ne serait-ce que médical, au moins il y a quelqu'un pour être là, alors que genre t'es au fin fond d'une colline, il y a un problème et ben tu mets 12 heures à rentrer, tu meurs sur place quoi. Donc peut-être que pour ça c'est cool, mais après il y a d'autres trucs où on n'a pas forcément besoin peut-être d'autant de sécurité. Et c'est du camping géant, c'est du concert géant, et puis les gens ils sont tous contents d'être là, ils sont bien, ils font la fête, et puis tu rencontres plein de monde quoi. Ça veut dire il y a tout le monde qui est au même niveau quoi, que tu sois ingénieur ou que tu sois, enfin je sais pas, que tu viennes de n'importe où, tu tripes quoi. Au mois de septembre 2001, les attentats aux États-Unis engendrent une frénésie sécuritaire partout dans le monde. En France, le 31 octobre, les députés votent à la quasi-unanimité le projet de loi sur la sécurité quotidienne. Les free parties, ces rassemblements voués à la musique techno, doivent désormais se déclarer au préalable si le nombre de leurs participants dépasse les 250 personnes, sans quoi la police et la gendarmerie pourront saisir leur matériel et leur infliger de lourdes amendes. Au mois de mai 2002, la veille de la prise de fonction de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, Daniel Vaillant publie le décret de l'application de la loi sur la sécurité quotidienne dans laquelle figure l'amendement sur les free parties. Dès lors, le débat se crispe de nouveau entre les pouvoirs publics et les collectifs techno. Au mois de septembre, en signe de protestation, les teufeurs organisent une free party géante au col de l'Arche, dans les Alpes. Les routes avoisinantes sont bloquées sur plusieurs kilomètres. Le phénomène est tel que Nicolas Sarkozy est obligé d'interrompre ses vacances et vient survoler le site en hélicoptère. Face à la grogne, il consent à reprendre les pourparlers avec les collectifs. Et c'est ainsi que le 1er mai 2003 se déroule le premier Technival toléré près de la commune de Marigny, en Normandie. On parlera alors de Sarkoval, qui cohabite avec d'autres rassemblements d'ailleurs. Les petites free parties de moins de 250 personnes, puis ensuite jusqu'à 500, sont autorisées par la loi, tout comme les rave parties officielles, légales et encadrées. Mais il reste une petite frange de free parties toujours illégales, lieu d'affrontement entre les toffeurs et les forces de police. Aujourd'hui, en 2017, la situation reste complexe. Les débats et la loi de 2001 n'ont pas permis d'arriver à un consensus. Depuis plusieurs mois, on assiste même à la recrudescence de tensions entre les autorités et les organisateurs de free party. Preuve en est, le 18 mars dernier, cette grande manifestation dans toute la France à l'appel des collectifs de Sound System. Tel est le destin en France des doux rêveurs. Right about now, the funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, 2001, l'Odyssée des rêves, partie avec nos invités. Oui, deux invités aujourd'hui. D'abord, Guillaume Kosmicki, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicologue, enseignant, conférencier, spécialiste du phénomène techno à travers les rêves et les free parties. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, on peut le dire, hein, sur le sujet, dont Free Party, une histoire, virgule, des histoires, paru en 2010 aux éditions Le Mot et Le Reste. Avec nous également, un peu plus tard, par téléphone, il est à Brest. Nous parlerons avec Vincent Tanguy, porte-parole des Sound System Breton. Il organise des free parties et il est d'ailleurs membre du collectif C'est Ainsi. Alors, j'aime bien la petite pirouette, C'est Ainsi. En fait, c'est 7, 1, 6. Et C'est Ainsi, ça fait, C'est Ainsi. Voilà, bon. Guillaume Kosmicki, avant de revenir sur les rêves parties et les free parties, j'aimerais parler un peu avec vous de cette musique, l'acid house et la techno. C'est quoi les ingrédients de cette musique-là, finalement, qui est très particulière et qui aura marqué, qui marque encore? Oui, en parlant de toutes ces musiques de rave, de free party, alors on peut dire bien sûr qu'il y a beaucoup de tempos différents, il y a beaucoup de styles différents, on va pas rentrer dans toutes ces familles-là parce que ça serait infini, mais je pense qu'on peut donner quelques caractéristiques communes qui me semblent vraiment très très déterminantes pour caractériser ces musiques. Première chose, la temporalité. On est dans des musiques, alors c'est vrai que la musique est un art du temps, mais alors là, pour le coup, on est dans des musiques qui vont jouer sur des temporalités vraiment très, très, très étendues. Des flux sonores ininterrompus, en fait, puisqu'on va mixer les morceaux entre eux. On va faire comme s'il n'y avait qu'un morceau qui durait toute une nuit, voire plusieurs jours, pourquoi pas. C'est ça, la temporalité particulière. D'accord. C'est ça, vraiment. Mmh. C'est-à-dire qu'on sort complètement d'une temporalité à laquelle on était habitué en Occident, avec un début, un milieu, une fin. On a besoin de ça, normalement, en Occident. Oui. On a besoin on est cartésien, on a besoin de ces choses-là. Et là, on emprunte une temporalité vraiment qui fait d'ailleurs référence à beaucoup de temporalités extra-occidentales. Et c'est une musique avant tout qui s'agence pour être une musique de trance. Et ça, c'est vraiment très important, qui va jouer sur des aspects hypnotiques, des aspects répétitifs, toutes sortes d'éléments qui peuvent être des ingrédients qui peuvent éventuellement apporter les auditeurs et les danseurs, surtout parce que c'est une musique de danse aussi, à la trance. Et ce qui est aussi très important, c'est que dans cette musique, il y a aussi quasiment presque les valeurs du mouvement qui l'apporte, c'est-à-dire que c'est une musique qui se compose de manière horizontale avec des gens qui vont créer à la suite les uns des autres et qui vont prendre le même morceau sans qu'il y ait vraiment d'idée de propriété intellectuelle. Ils vont prendre un morceau qui a été fabriqué par un autre, ils vont le mixer avec un morceau qui est fabriqué d'ailleurs par un autre, ils vont fabriquer un troisième morceau avec ça, éventuellement qui va être encore samplé, refabriqué par d'autres. Enfin, c'est une création très horizontale avec un aspect presque libertaire au niveau de la propriété intellectuelle. Donc c'est assez fascinant, c'était très très caractéristique dans ces musiques-là. Il y a vraiment un code, c'est un vrai code. Il y a d'autres codes, j'imagine, notamment pour ce qui est ce qui concerne la danse. C'est vraiment une danse pour le coup très individuelle, introspective, en masse, pas tout seul. Mais il y a quelque chose de très introspectif finalement et d'individuel, terriblement individuel. Alors c'est vrai que là aussi il y a une question de liberté, puisque chaque danseur peut s'emparer d'un élément musical qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément principal au-dessus d'un autre, c'est tout qui est aussi encore une fois très horizontal, et donc le danseur peut par exemple bloquer sa danse sur des Charleston, bloquer sa danse sur le gros boom boom qui anime chacune de ses musiques, bloquer sa danse sur un petit élément aigu comme ça. Mais comme vous le disiez, il y a aussi cette question de l'être ensemble, de la masse. On a beau danser pour soi-même, on est quand même dans une masse dansante. Et cette masse dansante, je pense aussi, contribue beaucoup aux questions de trans. Bien sûr. Alors, c'est pas nouveau non plus. Dans les années 80, on était déjà dans cette façon de danser de façon un peu introspective, mais au milieu des autres. C'est-à-dire après le rock, qu'on danse à deux. Bien sûr. Le rock, on est passé à ça. Donc ça, c'est pas forcément très nouveau non plus. Ouais, disons que ça pousse la logique plus loin. Ça pousse la logique plus loin, absolument, exactement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, cette musique reste incomprise par une grande partie de l'opinion, notamment quand on dit acid house? Quoi, la maison de l'acide, la musique de l'acide, il y a peut-être un côté un peu inquiétant pour ceux qui connaissent pas, non? Bon, l'acid house, c'est une période, c'était la fin des années 80, c'est une musique qui est beaucoup moins moins présentes aujourd'hui. Mais disons que il y a quand même un certain nombre de choses qui sont rentrées dans les mœurs. Le fameux boom boom hein, que j'évoquais, aujourd'hui on l'entend absolument partout, y compris dans les jingles de Radio France. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs. Je peux vous assurer qu'au moment où cette culture était en train de naître, quand on entendait un boom boom surgir d'un soupirail de cave ou d'une boutique dans la rue, on savait directement que la personne qui était en train d'écouter faisait partie de cette culture-là et on allait spontanément vers elle pour lui parler des fêtes qu'elle avait fréquentées parce que c'était très, je vais dire, vraiment marginal. Vous avez beaucoup de talent parce que vous avez fait la transition que je voulais faire, c'est formidable. Ouais. Qui sont ces adeptes? C'est quoi leur profil finalement de ces gens, souvent jeunes, hein, qui peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres pour participer aux rêves et aux free parties? Qu'est-ce qui les fait courir? Qu'est-ce qui les fait danser? Ouais. Bah écoutez, on parle quand même de 30 ans d'histoire. Hein. C'est vrai que début en Angleterre, c'est comme le reportage le rappelait, bah c'est 88, le Summer of Love. En France, ça commence à peu près au début des années 90, on va dire. Donc il y a 25-30 ans d'histoire. Et donc c'est un public, alors bon, qui a toujours été plutôt dans la frange jeune, hein, mais il y a déjà deux générations hein, qui sont passées. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un petit peut-être un peu plus brassé, parce qu'il y a les anciens qui peuvent aussi s'y retrouver de temps en temps. Et puis, que dire alors? Dans l'utopie, dans les valeurs très fortes de ce mouvement, il y a l'idée, ça c'est vraiment très important, qu'on est dans une collectivité qui, normalement, c'est bien sûr le reflet, enfin c'est le propre d'une utopie de revendiquer des choses très fortes qui sont pas toujours totalement réalisées, mais en tout cas le but c'est d'accueillir toutes sortes de populations, c'est-à-dire toute pratique sexuelle, tout milieu socio-culturel, absolument tout ce brassage en fait est revendiqué, même encouragé par la techno, se retrouve même dans la musique en elle-même, hein, qui est très horizontale. On a ça dans le brassage de population. Et dans les faits, alors il n'y a jamais eu d'études sociologiques très, très, très poussées, très précises de tout ça, mais dans les faits, c'est vrai que c'est plutôt des middle class qui fréquentent ces milieux, plutôt. Hein, pas toujours, pas uniquement, mais plutôt. Et puis, que dire d'autre? C'est effectivement à un certain âge, on va dire entre, pour les plus jeunes, la quinzaine, jusqu'à 30 ans à peu près, des jeunes qui sont en train de se façonner finalement. Un rituel de passage à l'âge adulte dans une société où il y a plus beaucoup de rituels, hein, pense au mariage, au service militaire, enfin tout ça est un petit peu derrière nous, un petit peu. Il y a vraiment besoin, c'est le cas de beaucoup d'autres rituels festifs hein, qui se sont mis en place depuis les années 60, il y a besoin de se recréer ce type de rituel et effectivement c'en est un parmi d'autres. Alors je crois que vous faites partie des gens qui pensent, puisque c'est devenu de Grande-Bretagne, qu'on doit aussi cette culture-là, alors ça paraît tout à fait paradoxal, à Margaret Thatcher. Eh oui, Margaret Thatcher. Dites-nous ça. c'est vraiment une sainte... On l'a dit un peu dans le récit, mais quand même. Une sainte femme pour tous les ravers. Alors je parle bien sûr avec un peu d'ironie, mais disons que Margaret Thatcher a son corps défendant, hein, cette dame de fer qui était tellement, tellement dure et assez abominable sur bien des aspects politiques, hein, cette dame de fer s'est attaquée à des sujets avec un certain nombre de manières qui finalement ont tout fait pour porter cette jeunesse en réaction à la réaction. Bien sûr. Quelle a été la première loi en 86? Elle a interdit finalement, elle s'est attaquée aux New Age Travelers, des gens qui vivaient en dehors finalement des normes sociales, dans des roulottes, dans des caravanes, dans des camions, en dehors finalement du sédentarisme social, enfin la norme sociale du sédentarisme. Elle a commencé à s'attaquer à cette couche de population en interdisant tout rassemblement de plus de 10 véhicules. Et au lieu de finalement briser ce mouvement des travelers, eh bien au contraire elle l'a renforcé. Alors on va passer quelques années, une sorte de nomadisme de cette culture-là à partir de l'Angleterre, et la France est un endroit privilégié. On peut dire que la France a été une terre d'accueil. Absolument, absolument. Bon, c'est vrai que la Manche hein, est assez rapide à traverser. Vrai. Bon, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand les travelers anglais sont arrivés, alors il y avait Spiral Tribe, il y avait Bedlam, il y avait Total Resistance. Enfin, il y avait un certain nombre de crews hein, qui arrivaient comme ça d'Angleterre. Ben ils ont trouvé quand même une terre sur laquelle il y avait aussi beaucoup de friches industrielles. Puis il y avait des grands espaces naturels, beaucoup plus qu'en Angleterre d'ailleurs, qui étaient prêts avec des très beaux sites où ils pouvaient comme ça installer leur fête nomade. Il y avait un répondant tout à fait vraiment assez brûlant hein, de la part des Français, parce que d'un autre côté, qu'est-ce qui se passait musicalement en France à l'époque? C'est vrai que l'alternative, c'était le rock alternatif qui était un petit peu finissant quand même. C'était des MJC, c'était des lieux comme ça de concert, bon, qui n'étaient pas forcément extrêmement loufoques, hein, je dirais. Et ce genre de fête qui proposait même socialement et politiquement hein, vraiment quelque chose de tout à fait novateur, attirait assez vite hein, beaucoup de Français. D'ailleurs, sur le même modèle, beaucoup de Français ont constitué des sound systems très très vite hein, finalement, dès 93. Je vais vous poser une question un peu provocante. Est-ce qu'une bonne rave party est possible sans ecstasy? Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va arriver après à la polémique, l'affaire sensible finalement de ces rassemblements devenus illégaux et autour desquels une certaine forme de même une forme réelle de répression sévit. Mm-hmm. Bah écoutez, ce que je dirais, moi, j'essaierais de mettre ça beaucoup plus en perspective. Je parlais de la fête en général. Qu'est-ce que c'est qu'une fête? De toute façon, dans une fête, il y a toujours une notion d'excès, quel qu'il soit. Hein. Je veux dire, une fête, c'est dépasser. Et d'extase. Et d'extase, mais bien sûr, pourquoi pas. Et une fête, c'est quand même dépasser des frontières qui sont les frontières habituelles, c'est-à-dire de la vie quotidienne, celles que les règles que l'on doit suivre pour la bienséance, mais aussi pour le bien-être ensemble. Et quand on fait des fêtes, et il y a des fêtes dans toutes les sociétés, et heureusement, hein, il faut ces soupapes de sécurité, je dirais, bah une fête, c'est justement dépasser tout ça. Et donc, l'alcool, par exemple, hein, dans certains cas, peut servir à tout cela. Donc, je veux dire, on pointe du doigt, bien sûr, l'ecstasy, le LSD et d'autres substances comme ça qu'on trouve dans ces fêtes particulières qui sont ces fêtes électroniques. Mais je veux dire, c'est pas du tout nouveau. Ça fait des décennies que dans la fête, il y a toujours aussi ces consommations de produits psychotropes et ces excès. Bien, alors on l'a dit, en 1995 et ensuite en 2001, la France se dote d'un premier arsenal pour lutter contre les free parties, donc c'est fait illégal. On va écouter le DJ Loco de la Cabeza, il est le président de l'association de défense Techno Checkpoint. Dans l'archive que nous allons entendre, il compare la situation en France avec ce qui se passe ailleurs en Europe. Ce phénomène, il n'est pas rencontré dans les autres pays. Hein. Vous allez en Allemagne ou en Suisse, il n'y a pas de free party, ou alors vraiment très très peu, parce qu'on autorise tous les week-ends des rave parties géantes où les gens vont se défouler, vont s'amuser. Je pense que tout interdire, ça n'a jamais été une solution, on l'a vu maintes et maintes fois, et que le dialogue était beaucoup plus, apportait beaucoup plus de choses en fait que la répression, mais malheureusement, encore une fois, on se trouve confronté à de la répression. Voilà, Guillaume Cosmiki, on va donner la parole à notre second invité qui nous attend à Brest, Vincent Tanguy, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien, c'est parfait. Je crois que savoir que vous organisez vous-même des free parties, alors je le rappelle, celles-ci sont illégales. Pourquoi ce choix de l'illégalité? C'est aussi une envie de prétendre à une certaine liberté, avoir envie de faire ce qu'on a envie, quand on a envie, de pouvoir sortir de ce carcan sociétal qui des fois oppresse, compresse, et là justement de s'autoriser à rêver dans tous les sens du terme. Quoi. C'est une sorte c'est une forme de désobéissance civile et culturelle? Pas culturelle, je pense que c'est une culture de le faire. Ça fait partie justement de la culture de faire ce qu'on a envie. Mmh. C'est pas. Je voulais dire, c'est une désobéissance civile par la culture, en gros. Ah oui. Bah oui. C'est ça que je voulais dire. Voir comme ça. Bon. Ouais. Alors, comment la police agit-elle aujourd'hui sur le terrain face à une free party? Comment ça se passe? Quelle scène, par exemple, avez-vous vécu ou dont vous avez été le témoin ou voire la victime? Racontez-nous. Je ne sais pas exactement comment ça peut se passer parce que chaque manifestation est différente. Hein. Des fois, ça se passe cordialement, des fois, c'est un peu plus. Ça dépend en fait de la nature du terrain. S'il y a des, s'il y a eu déjà des appels par rapport à des plaintes, par rapport à des nuisances, ou s'il y a eu des problèmes sanitaires, ou s'il y a un voisinage qui est assez véhément. Donc, ça peut arriver qu'il y a des pressions du voisinage qui se font. Ou des fois, ça se fait de façon très cordiale, ça dérange personne. Et puis voilà, en fait. Ça se passe pas toujours aussi bien quand même. Non, mais le facteur zéro n'existe pas. Je ne veux pas non plus faire du prosélytisme que tout se passe bien, mais ça ne se passe pas non plus, comme on essaie de le faire croire, tout le temps mal. Quoi. Donc, c'est ça, oui. Justement, à propos du traitement médiatique, vous pensez que les médias renvoient une image déformée de la réalité, en fait? Ouais, complètement. C'est marqué au fer rouge. Hein. Ça n'évoluera pas. Je pense pas que ça ne veut pas évoluer non plus. C'est comme ça. C'est stéréotypé. Cette image, elle est collée. Et on veut jamais justement nous donner des reconnaissances quand on fait bien des choses, quoi. Donc je crois qu'il y a 4000 soirées par an. Il y a 800 collectifs en France dans le Finistère. Donc je suis originaire. Il y en a 70. C'est quelque chose qui se fait tous les week-ends. La presse locale, les maires, les gendarmes le voient. Mais au niveau national, il n'y a pas de relais en fait, donc c'est quelque chose qui se fait dans toutes les petites bourgades de France, mais c'est un problème qui est un peu botté aux retouches, un blocage de l'intérieur et puis un snobage, on va dire, de l'histoire de la culture, parce que pour moi c'est une culture l'amateur, enfin, amateurisme, et ils veulent pas le reconnaître, donc Donc voilà, bon après, bah, tant mieux aussi, hein, c'est une culture alternative, hein, t'as pas forcément besoin d'être institutionnalisé pour pouvoir vivre, et puis voilà, peut-être que c'est comme ça qu'elle doit se faire, je sais pas en fait. Bah écoutez, on va écouter une jeune raveuse, elle s'appelle Aurore, elle raconte comment s'est organisé le Technival de Marigny, c'était en 2003, on l'écoute et on en parlera ensemble après. Soit on est au courant par les centres systèmes qui organisent des fêtes, soit on est au courant par le biais de petits flyers, donc les flyers on les trouve soit dans les bars, soit dans les magasins de disques. Et donc sur ces flyers, il y a la date et puis juste une infoline. Et l'infoline, donc, c'est un numéro de boîte vocale avec un code. Donc l'infoline donne soit un point de rendez-vous, soit le lieu directement de la fête. Et en général, en arrivant, on retrouve des gros convois de voitures et en général, on se trompe pas trop et on arrive à la fête. Bon, quand on en a fait beaucoup, c'est plus tellement impressionnant, mais c'est assez réjouissant. Je comprends complètement qu'un maire comprenne pas que tout d'un coup, dans un champ, il y ait des milliers de personnes et qu'il est au courant de rien, et qu'après, il y ait parfois une grosse partie du lieu à nettoyer, parce que ça dépend un peu, enfin, je veux dire, des gens qui vont faire la fête, il y en a beaucoup, il y en a qui se rendent bien compte des choses et qui nettoient après, il y en a qui s'en fichent complètement. Donc l'énervement des maires, c'est que c'est tout simplement qu'ils se sentent parfois débordés, mais ils sont pas tous énervés, il y en a que ça dérange pas du tout, il y en a que ça gêne, ils sont complètement débordés, et c'est ça qui les gêne, je pense. Vous voyez, Vincent Tanguy, les médias ne donnent pas toujours une version déformée. Il suffit de donner aussi la parole à ceux qui participent et qui peuvent témoigner pour le coup. Et d'ailleurs, le discours d'Aurore est intéressant parce qu'on est ni dans le noir ni dans le blanc. Vous voyez, ce qu'elle dit est lucide. C'est date de 2003. Ouais. 2003, voilà, ouais. On est en 2017 et c'est vrai que ça n'a pas changé. Justement par rapport du 1er mai, donc c'est un Technival qui relie du 1er mai depuis 24, la 4e édition, 60 000 personnes à peu près cumulées. Mmh. Chaque année, en fait, les forces publiques sont étonnées de cet événement. Chaque année. Donc au bout d'un moment, il y a justement une prise de conscience qui ne veut pas se faire. Au bout de la 4e édition, on peut pas dire que c'est un lapin qui sort d'un chapeau. Surtout de façon récurrente, je vous l'annonce l'année prochaine, le 1er mai en 2018, il y aura un Technival et il y aura encore beaucoup, beaucoup de monde. Donc c'est comme ça, je pense qu'il y a des choses, comme vous l'avez dit, qui collent comme la drogue. Donc c'est comme une liberté individuelle. C'est vrai peut-être qu'elle se fait un peu collectif de faire la fête ensemble. C'est peut-être se rêver à la base de façon individuelle. Mais on revient toujours à ça. Et je pense que la techno n'a pas inventé la drogue. Elle reste proche, qui est vraie. Et c'est dans tous les milieux festifs, ou n'importe quel festival, boîte de nuit, elle est là, elle est présente, quoi. C'est pas quelque chose qui est obligatoire dans les fêtes techno et qui est propre aux fêtes techno. Guillaume Cosmiki, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous venez d'entendre de la part de Vincent Tanguy, d'Aurore, enfin de la conversation qu'on a eue? Moi, je voudrais aussi rappeler quelque chose qui est tout à fait vrai aussi, c'est que très, très, très souvent, les terrains sont aussi laissés sales parce que les interventions de police obligent les organisateurs à partir très, très, très vite. Et donc, le nettoyage du terrain, qui est normalement absolument... c'est culturel, c'est-à-dire que dès le début, c'est un mouvement qui revendiquait l'association de la nature et de la technologie. C'était quelque chose d'assez beau, puisque finalement, ça donnait une vision d'avenir finalement de ce monde hein, qui effectivement s'enfonce dans des tas de problèmes écologiques et ça proposait justement de renouer avec la nature. Ça a été une période, quelque chose de l'ordre de la découverte pour beaucoup de ces participants. Et ben malheureusement c'est vrai que beaucoup de terrains ont été laissés absolument dégueulasses parce que les forces de police intervenaient trop vite et puis il fallait vite partir et c'est un fait hein. Alors, je regarde en même temps la couverture de votre livre, Guillaume, Free Party, une histoire, des histoires. Alors, la couverture, elle est belle parce que on voit des voitures, des gens autour, un soleil qui se couche. Qui se lève. Qui se lève, oui. On est dans la nature. Moi, c'est pas le Woodstock des temps modernes. Si, si vous voulez, il peut y avoir des points communs. Ouais. Effectivement, là, on voit un moment clé, privilégié de ce genre de fête. Effectivement, le soleil qui se lève après une nuit, de transe, d'extase, d'hypnose, et des gens qui assistent à ça, qui observent ça, qui reprennent contact avec la nature, comme je viens de le dire. C'est un moment privilégié, et encore une fois, ça fait partie de cette initiation à l'âge adulte, de cette initiation au monde, de cette initiation, cette découverte du monde. Et beaucoup de citadins comme ça hein, qui se retrouvent dans ces lieux de nature et qui parce qu'ils voient un petit coin d'herbe comme ça trouvent une certaine liberté, une autre façon de voir le monde. Ce sera le mot de la fin. Guillaume Cosmiki, merci. Auteur de Free Party, une histoire, des histoires. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les rêves, partie d'une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée à la comédie musicale Hair. Ensuite, et à partir de samedi, vous retrouverez Affaires Sensibles tout l'été à 20h, 6 jours par semaine, du lundi au samedi. Puis nous nous retrouverons le lundi 28 août à l'heure habituelle, 15h, pour une nouvelle saison d'Affaires Sensibles, la saison 4 jusqu'en juin 2018. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre attachement à ce programme et de tous vos retours sur les réseaux sociaux. Voilà, toute l'équipe d'Affaires Sensibles se joint à moi pour vous souhaiter un bel été.